Si des yeux ou pas t'es ouvert, bon Dieu. Si qu'un a ou pas t'es ouvert, qui m'a dégayé si la terre. Locoto, locoto, locoto. Si des bras ou pas t'es ouvert, bon Dieu. Si l'homme ou pas t'es ouvert pour nous, qui m'a dégayé si la terre. Locoto, locoto, locoto. T'en fais ton temps qui t'étend. L'homme toujours comprend ce qui met dans la terre. Gardez manière, gardez vous manière, yo yé. Locoto, locoto, locoto. Malheureux qui a si la tête, qui a souffert, qui tient la foi, bon Dieu là, pas qu'à oublier yo. Blokoto, blokoto, blokoto. Si des yeux ou pas t'es ouvert, bon Dieu, si qu'un ya ou pas t'es ouvert, qui m'a dégayé si la terre. Blokoto, blokoto, blokoto. Si des bras ou pas t'es ouvert, bon Dieu, si l'homme ou pas t'es ouvert pour nous, qui m'a dégayé si la terre. Blokoto, blokoto, blokoto. Si qu'il y a ou pas t'es ouvert, qui m'a nien dégayé si la terre. Blokoto, blokoto, blokoto. Si des bras ou pas t'es ouvert, bon Dieu. Si l'homme ou pas t'es ouvert pour nous, qui m'a nien dégayé si la terre. Blokoto, blokoto, blokoto. Assis la terre, n'y a l'eau richesse. Viens à la terre, arrêtez à la terre. Gardez ma nien, yo ka goumé pou yo. Blokoto, blokoto, blokoto. Pitié pour tout ça qui en misère. Bon Dieu que voyez, c'est assis yo. Gardez manière, gardez qui j'en yo yé. Blokoto, blokoto, blokoto. C'est ça même. Mon Dieu là, pas qu'à oublier yo. Blokoto, blokoto, blokoto. C'est ça.